L'épître de Paul à Tite. Avant d'aborder l'étude sommaire de cette courte épître, il convient de rappeler qui était Tite. Le Nouveau Testament le présente comme un païen converti au christianisme par le ministère de l'apôtre Paul et qui est devenu par la suite l'un de ses fidèles collaborateurs. Tite est très vite associé à des missions difficiles et délicates. D'Antioche, il est envoyé à Jérusalem lors du premier concile convoqué par l'Église primitive. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres précise que Paul et Barnabas s'y rendent avec quelques-uns des leurs. Et c'est l'Épître aux Galates, écrite des années plus tard, qui nomme Tite comme faisant partie de cette délégation. Chapitre 2, versets 1 à 3. Paul sait qu'il peut faire confiance à Tite. Et lorsque de graves désordres éclatent dans l'église de Corinthe, il l'y envoie pour tenter de rétablir la situation. Selon toute probabilité, il lui confie alors sa première épître aux Corinthiens, le chargeant d'en appliquer l'enseignement face à l'immoralité, l'indiscipline et l'abus des charismes dans l'église de cette ville. Rien n'est donc facile pour Tite, qui doit y prolonger son séjour. Sans nouvelles de sa part, Paul s'inquiète. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi je partis pour la Macédoine. 2 Corinthiens 2, 12 à 13. À son grand soulagement, Paul retrouve Tite, précisément en Macédoine, et nous lisons en 2 Corinthiens 7, 6 à 7. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi. Tite s'est donc acquitté de sa mission à la pleine satisfaction de l'apôtre. Plus, maintenant que les Corinthiens ont obéi, il éprouve pour eux un redoublement d'affection. 2 Corinthiens 7, 15. Aussi n'est-ce pas étonnant qu'après un certain temps, l'apôtre engage à nouveau son collaborateur à retourner à Corinthe pour y parfaire l'œuvre entreprise. 2 Corinthiens 8, 6. Paul écrit alors, 2 Corinthiens 8, 16, 17 et 23, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. » Et plus loin, « J'ai engagé Tite à aller chez vous. N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ?» 2 Corinthiens 12, verset 13. Des années se sont écoulées. Après son premier emprisonnement, Paul a été relâché pour une courte période que le Nouveau Testament passe sous silence. Il est possible que l'apôtre ait alors consacré ce temps de sursis à visiter les églises et que, au cours de ce voyage, il se soit arrêté en Crète, cette île au sud de la mer Égée, où des difficultés avaient éclaté parmi les chrétiens. L'apôtre n'a probablement pas eu la possibilité d'y prolonger son séjour, mais quel réconfort pour lui de pouvoir confier à Tite, son collaborateur, une nouvelle mission délicate, précisément parce qu'il travaille dans un même esprit et qu'il marche sur les mêmes traces. Il semble que Paul évoque son passage en Crète lorsqu'il écrit à Tite « Je t'ai laissé en Crète » chapitre 1, verset 5. Mais comment l'évangile avait-il pénétré dans cette île ? Le livre des Actes des Apôtres nous apprend que des Juifs de l'île de Crète se trouvaient à Jérusalem au jour de la Pentecôte et qu'ils y avaient entendu la prédication de Pierre. Beaucoup plus tard, Paul a fait une courte escale en Crète lors de son voyage mouvementé à Rome, Actes 27, 8 à 13. Peut-être aussi que des convertis venus d'Éphèse ou de Corinthe y ont rendu témoignage pour Jésus-Christ. Cependant, l'implantation du christianisme dans l'île ne s'est pas opérée sans problème. L'immoralité et la méchanceté des Crétois n'est-elle pas proverbiale ? Paul y fait du reste allusion en Tite 1, 12. De toute manière, certaines situations ne sont pas réglées lorsqu'il quitte l'île pour retourner à Rome. Et Tite doit y prolonger son séjour à la demande de l'apôtre. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Tite est donc chargé d'organiser les églises. Il doit y établir des anciens qualifiés, capables de réfuter les adversaires et de prévenir les déviations. Par leur témoignage pratique, ces anciens donneront l'exemple dont les jeunes convertis ont besoin et enseigneront les églises dans la saine doctrine. C'est le sujet du premier chapitre. Comme pour toutes les épîtres de Paul, l'application de l'épître à Tite ne se confine pas à une situation caractéristique au premier siècle de l'ère chrétienne. Ces avertissements n'ont rien perdu de leur actualité. Et aujourd'hui, l'on ferait bien de se conformer aux prescriptions de Paul concernant la nomination des anciens. Car les qualifications requises pour remplir cet office sont autant nécessaires dans les églises de la fin du XXe siècle qu'elles l'étaient au premier siècle dans les communautés de l'île de Crète. Dans son rôle de pasteur, Tite doit aussi dévoiler certains dangers, la médisance, l'insoumission et les convoitises mondaines. Il lui faut dire les choses aux aînés comme aux jeunes, avec tact, amour et franchise. C'est là le sujet du chapitre 2. Enfin, il doit avertir des conséquences de la désobéissance, faire taire les contestataires et exclure les gens pervertis. Il lui faut encourager la prière pour les autorités et la participation aux œuvres agréables à Dieu, qui sont les fruits de la grâce divine dans la vie des croyants. Tel est l'enseignement du chapitre 3. Dans ce bref survol de l'épître à Tite, j'aimerais encore m'arrêter à un passage situé au centre de ces 46 versets. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible au chapitre 2. Nous lirons les versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. De Bethléem à Golgotha, c'est-à-dire de la crèche à la croix, la grâce divine s'est manifestée avec éclat par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il a offert à tous les hommes un salut merveilleusement complet. En versant son sang expiatoire à la croix du calvaire, le Fils de Dieu a payé un prix suffisant pour nous acquérir le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais l'action de la grâce divine à notre égard ne se limite pas au don de ce salut éternel. Elle opère en nous les transformations qui s'imposent pour que nous devenions des chrétiens accomplis, honorant le Seigneur dans la vie de tous les jours. Et comment ce résultat peut-il être atteint? Paul le précise à Tite dans ce passage. La grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne en trois directions bien distinctes. Premièrement, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Deuxièmement, à vivre aujourd'hui dans la sagesse, la justice et la piété. Et troisièmement, à attendre dans l'espérance la manifestation glorieuse de notre Sauveur dans son prochain retour ici-bas. Par sa grâce, Dieu a prévu divers moyens pour nous enseigner. L'Écriture sainte, qui nous instruit et nous corrige, de Timothée 3, 16 à 17. Le Saint-Esprit, qui nous renouvelle et nous transforme, de Corinthiens 3, 18. L'école des circonstances, qui nous façonne et nous assouplit, Romains 8, 28. Autant de moyens de grâce par lesquels Dieu accomplit en nous ses plans et nous prépare progressivement à la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu nous enseigne et nous transforme. Permettez-moi une illustration. Un chrétien se rendait régulièrement chez son coiffeur, un incrédule notoire. Chaque fois, la discussion reprenait, l'un témoignant de sa foi, l'autre rétorquant avec les arguments classiques de l'athéisme. Un jour, le coiffeur s'exclame : S'il existe vraiment un Dieu bon et juste, pourquoi permet-il alors les guerres, la misère et toute l'injustice qui s'étale sous nos yeux ? À ce moment précis, un jeune homme s'arrête devant la porte du salon de coiffure. Barbe hirsute et abondante chevelure descendant jusque sur les épaules. Le chrétien fait remarquer alors : Vous qui êtes un bon coiffeur, pourquoi permettez-vous qu'un jeune homme pareillement négligé passe dans votre rue dans cet état ? Eh bien, tout simplement parce que ce jeune homme ne m'a jamais donné l'occasion de le raser et de le coiffer. Alors, ne comprenez-vous pas qu'il en est de même avec Dieu ? La grâce de Dieu a été offerte à tous les hommes, mais peu nombreux sont ceux qui ont donné l'occasion à Dieu de les prendre en main, de les sauver, de les transformer à son image. La misère matérielle et l'injustice sociale ne sont que les conséquences d'un mal bien plus profond, le péché. Lorsque Dieu change une vie, il va jusqu'au fond, en extirpant le mal à sa racine. C'est pourquoi, aujourd'hui, ouvrez votre cœur à la grâce divine, acceptez Christ comme votre sauveur personnel, laissez Dieu transformer votre caractère, vos inclinations, vos ambitions. Sa grâce vous donnera alors la force de vous détourner des convoitises mondaines, parce qu'elle mettra en vous d'autres goûts et d'autres désirs. Le vrai bonheur remplira votre cœur, et vous mettrez toute votre espérance en notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, celui qui manifestera bientôt sa gloire en revenant sur terre, et qui accordera alors une récompense éternelle à ses enfants fidèles. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a-t-elle été manifestée en vous personnellement ?